l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails. La musique classique et au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Quand on compose, on peut toujours faire table rase du passé. Que l'on soit plus ou moins conscient du poids de la tradition musicale sur ce que l'on écrit, on est plus ou moins influencé. Mais quand on est ouvertement conscient, voire vindicatif des influences que les compositeurs antérieurs peuvent avoir sur nous, que l'on peut même prendre en eux, on ne va pas forcément jusqu'à revendiquer que c'était mieux avant et qu'on ne fera jamais aussi bien qu'en leur rendant hommage. En somme, quand l'écriture se sait jusqu'à se vouloir réécriture, elle peut être néoclassique, à moins qu'elle ne soit postmoderne, consciente de l'empilement des strates de l'histoire de la musique, mais pas pour autant respectueuse de la nécessité d'en conserver les principes en état. Alors peut-on seulement à l'oreille distinguer dans les réécritures où finit le néoclassicisme, où commence le postmodernisme? À l'université de Strasbourg, Camille Linhart est en train de terminer une thèse sur les pseudomorphoses du matériau historique dans l'écriture instrumentale depuis 1980. Camille Linhart nous accompagne au cours de ses réécritures pendant toute cette heure métaclassique qui commence par une transcription pour flûte écrite par le compositeur Salvatore Chiarino de la fugue de la toccata et fugue en ré mineur BWV 565 de Jean-Sébastien Bach, dont voici la version originale à l'orgue. C'était une version pour flûte de la toccata et fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, dans une version du compositeur italien Salvatore Chiarino. Bonjour Camille Linhart. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une transcription? Est-ce que c'est le même texte, sachant que Jean-Sébastien Bach écrit pour un instrument polyphonique, et là, on est avec un instrument célèbre pour être monodique? Alors on se trouve là effectivement dans un cas limite de la transcription, un cas qui convoque évidemment un certain nombre de questions qui versent très vite dans l'ontologie, parce que on a l'idée évidemment qu'une transcription, par définition, par essence, change des éléments par rapport à l'original, mais je dirais que deux aspects de cette transcription la rendent un peu particulière. C'est le changement de l'idiome instrumental de l'orgue vers un autre qui est quand même totalement différencié, c'est-à-dire que quand on transcrit un opéra pour piano dans une version piano-chant qui a une fonction disons, une fonction de répétition. Le piano, on sait ce qu'il va, on sait qu'il a une fonction pratique, alors que là, on va dire, on va peut-être à rebours de l'aspect pratique en demandant à une flûte de faire ce que fait l'orgue. Si ce n'est que le changement de timbre, ça, c'est un classique de la transcription. Exactement, ouais. Le changement de timbre est un classique de la transcription, mais il y a déjà cet aspect-là, et puis il y a l'autre aspect, évidemment, qui là est véritablement un peu socio-ontologique, c'est-à-dire que c'est une transcription qui est signée d'un grand compositeur contemporain, d'un compositeur qui a une réputation, et ça, évidemment, ça change aussi beaucoup, parce que vous avez la transcription anonyme, ou presque anonyme, hein, celle des pianos-chants, justement, hein, qu'il y a dans les... Des arrangeurs. Voilà, des arrangeurs, et puis la transcription, par exemple, bah, de Liszt, hein, même si vous prenez historiquement les symphonies de Beethoven, c'est vrai que vous avez des arrangements plus ou moins célèbres. Finalement, qu'est-ce qui les différencie? C'est très glissant. Alors, le grand défi de Liszt, quand il transcrit une symphonie de Beethoven, c'est d'avoir quasiment ou presque toutes les notes. Là, Salvatore Cherino semble sacrifier un certain nombre de notes puisque la flûte ne peut pas assumer autant que l'orgue. Oui, évidemment, il est obligé de sacrifier un certain nombre de choses, mais en même temps, il convertit, on va dire, certains matériaux qui étaient présents à l'orgue, il le convertit dans une énergie différente qui prend peut-être la forme, on va dire, d'une résistance qu'oppose la partition à l'interprète. Hein. On a ici entendu l'extrait d'une partition qui est extrêmement difficile pour flûte, qui est une partition de haute virtuosité en laquelle Chiarino a transformé la toccata de Bach. Donc il y a une friction, on va dire, entre le modèle et l'original qui se fait aussi dans le sens que quelque chose qui pour l'orgue n'est rien est assez standard, c'est-à-dire par exemple des batteries de notes répétées, des batteries, disons, de ces fausses harmonies qu'on trouve souvent dans la musique de Bach, c'est-à-dire quand on a une alternance entre deux lignes mélodiques, mais sur le plan mélodique, et qui, dans la vitesse, finissent par simuler une polyphonie, parce qu'on a l'impression qu'elle s'accumule. Ça, évidemment, ça se fait très facilement sur un instrument à clavier, c'est beaucoup plus difficile sur d'autres instruments. Donc vous avez des exemples comme ça, il joue avec les idiomes instrumentaux, et c'est là, quelque part, que réside son travail, qui dépasse celui d'un simple arrangement pratique. Parce qu'il y a une autre chose qui est déplacée, c'est les contrastes, qu'on appelle les contrastes dynamiques, c'est-à-dire que les nuances sont complètement désordonnées, puisque les accords plaqués par Bach donnent des grosses puissances sonores, là où finalement la flûte n'est jamais aussi peu forte que quand elle essaye de cumuler plusieurs hauteurs à la fois. Oui, vous avez tout à fait raison de le souligner. En fait, c'est un art du minimalisme, on pourrait dire, parce que c'est un art qui réside dans les détails, hein, le « less is more » du minimalisme se retrouve un peu là-dedans, puisque finalement ce sont les paramètres les moins importants de la partition de Bach, c'est-à-dire les moins importants de la musique occidentale au début du XVIIIe siècle, qui ici deviennent justement les éléments clés avec lesquels joue le compositeur et qui justifie qu'il appose malgré tout sa signature sur la partition, puisque le matériau historique n'est pas le sien. Et donc c'est dans le contrôle et la gestion de ces variations de paramètres que sont les dynamiques, par exemple, qui sont liées à la distribution dans les registres de l'instrument. Et bien ces paramètres-là, effectivement, pour Bach, sont relativement secondaires. Je ne veux pas dire qu'ils n'existent pas. Hein. On peut, mais ils ne sont pas aussi importants que la hauteur, les contrepoints, le rythme, voilà, ouais. Etc. Et là, quelque part, c'est pour ça qu'on peut parler d'une forme de minimalisme. C'est-à-dire qu'il y a une richesse. Minimalisme, c'est pas la pauvreté absolue, mais la richesse est dans les détails. Voilà, la richesse est dans l'imperceptible. Alors, puisque avec vous, Camille Linhart, on va parler de ces compositeurs qui écrivent entre les lignes d'autres compositeurs, on va prendre un exemple dans le Requiem de Mozart, dans lequel un compositeur, As, va organiser des interludes, alors qui sont très reconnaissables, pour le coup, il n'y a pas de méprise possible. Non, ici, on peut dire qu'effectivement, dans le cas de la revisite de Haas, du Requiem de Mozart, on a plus affaire à une ligne troublée sur le plan ontologique que sur le plan musical, puisque, justement, lui, il laisse les contours exact de la partition de Mozart. Il se sert du fait que, bien connu, que Mozart n'ait pas achevé celle-ci, et dessine les frontières de l'écriture de Mozart dans la partition, de là où Mozart a dessiné ses propres notes, et puis se substituant aux élèves de Mozart, Assus Mayer notamment, qui avaient repris le flambeau pour compléter, eh bien lui, à leur place, il complète à sa façon. Donc les notes de Mozart, chaque note tracée par Mozart est à sa place, mais Mozart, évidemment, il n'avait pas tout complété, il y avait des parties qui n'étaient pas achevées, etc. Et là, Haas, ce qu'il fait, c'est que là, il met dans ses interstices qui restent, sans toucher à rien de ce qu'a fait Mozart, il place dans ses interstices son écriture à lui de compositeur de la fin du XXe siècle, début XXIe siècle. Là, en l'occurrence, on est au début du XXIe siècle. On entend bien Camille Linhart, comme vous le disiez, c'est-à-dire qu'il écrit en compositeur du XXIe siècle, il n'y a aucune sorte de fidélité stylistique, pour autant qu'il va quand même écrire à partir de résonances harmoniques prises dans la partition de Mozart. Exactement, ce sont des résonances harmoniques. En fait, on peut dire qu'il y a deux aspects qui relient cette partition de Haas à celle de Mozart, c'est-à-dire que les aspects que prend Haas, c'est d'une part la formation orchestrale, c'est-à-dire que il prend les mêmes instruments que Mozart, ce qui donne déjà une certaine patte sonore, on va dire, une certaine signature sonore qui est celle du Requiem de Mozart. Mais au-delà de ça, de façon beaucoup plus prégnante, Haas est un compositeur spectral ou post-spectral, alors. C'est-à-dire qu'il utilise les caractéristiques acoustiques de la musique et du son et les résonances harmoniques qu'on a pu, à partir du milieu du XXe siècle, qu'on a pu analyser par ordinateur et mieux comprendre, etc. Il utilise toutes ces caractéristiques-là, c'est-à-dire qu'il rentre dans la vie interne du son, et il en extrait des résonances particulières, comme on pourrait faire en amplifiant le son avec un ordinateur, en l'analysant, en cherchant des choses. Mais c'est ça, il a besoin d'un ordinateur, donc d'une certaine façon, il est à un endroit technique qui était inaccessible à Mozart, puisque vous faisiez une comparaison de gestes avec Soussmayer, donc un des élèves de Mozart qui complète le Requiem, sauf que Soussmayer, il a le souci de rester dans la cohérence stylistique de Mozart, ce dont Haas n'a absolument pas le souci. Non, parce que Haas utilise la musique de Mozart comme un objet trouvé. Un objet trouvé qu'il ne tient pas à ouvrir ou à déchiffrer avec la clé qui serait historiquement appropriée. Ce n'est pas son propos, ce n'est pas son métier, il n'est pas historien. Donc il assume de prendre cet objet comme un objet trouvé et il traite cet objet avec les moyens qui sont ceux de la musique d'aujourd'hui. Et ces moyens sont, d'un point de vue paradigmatique, emprunté à la pensée de l'électronique, la pensée de l'exploration de la vie interne du son, même si je précise quand même qu'il est fortement probable qu'il se soit inspiré poétiquement de l'exploration informatique du son, mais qu'il n'ait pas spécifiquement fait une analyse, dans ce cas précis, du son par ordinateur. Et qu'il s'affranchit de sa phase analytique au moment où il compose. Tout à fait, parce qu'on peut tout à fait simuler des réflexes d'analyse informatique de façon poétique, de façon libre. La musique spectrale, c'est une métaphore de cette démarche plutôt que son application rigoureuse. Alors la question est souvent moins de savoir de fait si on est dans une fidélité à la tradition ou pas, puisqu'en l'occurrence il est net que c'est pas le sujet, que dans un débat parfois polémique, à savoir s'il faut, dans ce genre de pratique, quand on rentre en dialogue musicalement avec une musique du passé, si en gros on est pour ou contre la tradition, c'est-à-dire est-ce qu'on est un moderne qui fait sa modernité avec des œuvres du passé, ou est-ce qu'on est un conservateur qui veut rétablir le passé d'une façon ou d'une autre. Vous emmêlez joyeusement avec ces catégories pour essayer de vous en affranchir, à savoir est-ce que entre ce qu'on appelle le néoclassicisme et le postmodernisme, on a affaire finalement à deux antimodernismes. C'est ce que dit Makis Solomos. Oui, alors c'est un ensemble de questions assez vastes. En tout cas, vous avez raison de souligner que on ne se soucie pas beaucoup de nos jours, et c'est certainement heureux, de savoir si on a le droit moral de réinvestir une œuvre du passé. Donc cette question étant déjà écartée, bon, il faut dire que musicalement, c'est jamais très choquant. C'est pas comme ce qui peut se faire au théâtre. Donc cette question étant déjà écartée, la question, effectivement, se pose de savoir est-ce qu'un compositeur qui reprend fortement un matériau du passé, quitte à s'y insinuer et à y tracer quelques bifurcations, mais tout de même, est-ce que ce compositeur-là peut encore se dire moderne ? D'ailleurs, est-ce qu'il le souhaite ou est-ce qu'il ne le souhaite pas ? Est-ce qu'alors il devient néoclassique ou postmoderne, en tout cas conservateur ? Alors là, vous soulevez beaucoup de notions. Je crois que le néoclassicisme, évidemment, renvoie tout de même à une certaine idée qui est celle du classicisme, c'est-à-dire que ça renvoie à un courant historique relativement précis. En tout cas, le classicisme, c'est quelque chose, c'est-à-dire le classicisme, c'est une esthétique d'ordre, d'équilibre, de clarté. Hein. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, hein, la phrase de Boileau. Voilà, cette idée-là, qui peut parfois regarder vers le passé, effectivement, elle traverse un peu l'histoire de la musique et l'histoire des arts. Et ça, c'est une chose certaine. Néanmoins, le postmodernisme, c'est quelque chose de beaucoup plus important dans son idée, puisque le postmodernisme, c'est ce qui viendrait après la modernité. Donc une postmodernité n'est pas forcément néoclassique. Une postmodernité, c'est simplement l'idée de ce qui dépasse l'idée de modernité. Alors, et c'est même rarement le rétablissement d'une tradition, en définitive. Ça n'est pas effectivement, dans le concept en tout cas, le postmodernisme n'est pas le prémodernisme ou n'est pas l'antimodernisme, même s'il peut s'y confondre, parce que évidemment, dans le dépassement contenu dans l'idée de post, vous pouvez imaginer un retour à beaucoup de choses. Oui. Et forcément, il y a des retours à, c'est-à-dire que certaines choses en marge, contre lesquelles le modernisme s'était construit, évidemment, une fois que celui-ci a été dépassé, si on peut dire, réapparaissent. Mais ce n'est pas pour autant qu'on revient au stade d'avant. Sinon, on va dire, le concept n'aurait lui-même pas de sens. Il suffirait de parler de conservatisme, d'académisme ou d'autre chose. Donc le postmodernisme, c'est un dépassement du postmodernisme. C'est un concept aussi, il faut dire, qui n'est pas qui d'une part n'est pas que musical, et en plus qui n'est même pas qu'artistique. Hein. C'est un concept. On va revenir sur l'origine même du concept, et ce que l'on peut du coup en dire musicalement, là où finalement la musique a été assez tardive à l'assumer, et en plus à l'assumer plus ou moins. On va passer par une œuvre qui est quand même un peu dans un entre-deux, puisqu'il s'agit donc des variations diabelli de Beethoven, qui n'est qu'à moitié de Beethoven, puisque ce sont des variations sur un thème qui est donc de Diabelli, une valse qui a été, on pourrait dire, reprise par et orchestrée au passage par Hans Zander. Et alors là, on a le cas d'une partition, on va l'écouter puis en parler, qui fait un retour à la tradition pour mieux dépasser sa façon de la remettre en jeu, pour se mettre dans un nouvel âge du langage musical, mais qui se joue de son dialogue avec le passé. Une revisite des variations Diabelli de Beethoven par Hans Zander. Alors, Camille Linhart, est-ce que là, on peut entendre une agression de la tradition, un propos sur la tradition en tout cas? Vous voulez dire une agression de la tradition, c'est-à-dire... C'est-à-dire qu'un esprit un peu conservateur pourrait se choquer qu'on fasse ça d'une partition de Beethoven. Un esprit conservateur pourrait tout à fait se choquer qu'on fasse ça d'une partition de Beethoven. Et un esprit peut-être moderniste, voulant relever d'un certain modernisme, pourrait à l'inverse se choquer qu'un compositeur contemporain comme Hans Sander compose finalement une sorte de valse viennoise sur le prétexte de reprendre la valse de l'éditeur Diabelli qui avait donné lieu aux variations de Beethoven. Ce qui nous mettrait dans un entre-deux, alors, entre néoclassicisme et postmodernisme, précisément. Ce qui nous mettrait dans un entre-deux, en tout cas, je crois que ce qu'il faut noter ici, c'est, et qui relève, je pense, plus du postmodernisme ou de la postmodernité, en tout cas, que du néoclassicisme, c'est qu'il y a cette revisite d'un objet pour toutes ces propriétés contextuelles qui sont prises. C'est-à-dire, si vous regardez ici, vous avez deux aspects qui sont dominants. Un premier aspect qui rejoint un peu celui du Haas auparavant, c'est-à-dire un jeu sur les résonances. Il n'est pas anodin que Hans Sander ait orchestré la pièce tout en la transposant. Il ne s'est pas contenté de la modifier en gardant le même médium instrumental. Il a fait, si on peut dire, un peu comme avait fait Chiarino, mais alors lui, maintenant, il passe à l'orchestre. Donc ça lui permet d'explorer tout un jeu de résonance. C'est-à-dire un peu comme si le pianiste, vous voyez, laissait la pédale un peu plus qu'il ne faut. Eh bien là, on a des instruments qui tiennent des notes alors qu'ils ne devraient pas. Du coup, ça crée des effets dissonants. Donc ça abîme, si on peut dire, l'objet musical de cette façon-là. Et puis, il y a aussi un jeu assez germanique, je crois, un jeu théâtral là-dessus. Il y a un jeu théâtral parce que c'est le ton aussi de la musique de Beethoven qui change et qui très volontairement devient un peu grossier. Il y a un usage du grossier là-dedans qui fait un peu penser, du grotesque en tout cas, qui fait un peu penser à ce qu'on peut trouver chez Mahler aussi. Tout ça est tout à fait stylisé artistiquement, c'est fait exprès. Cette valse, qui est déjà effectivement pas fine, devient assez lourde. Ces effets de lourdeur, cette façon de surligner les coutures, ça se retrouve aussi dans la musique pour les soupers du roi Ubu de Zimmermann. Oui, c'est cet aspect théâtral. Alors, la musique des soupers du roi Ubu de Zimmermann, là, on se projette, je crois, dans les années 60, ou même un tout petit peu avant. En tout cas, on est quelques décennies en arrière par rapport aux musiques que nous avons écoutées avant. Donc ici, on est dans les années fastes de ce qu'on a pu appeler le théâtre musical, en tout cas celle qu'il annonçait, c'est-à-dire ces années très expérimentales où on a aussi déconstruit le sens dans tous les arts. C'est l'époque du nouveau roman aussi, c'est l'époque évidemment où on déconstruit les unités sémantiques, les unités narratives, et on a cette espèce d'énergie du théâtre musical, du conceptuel. Et donc ce qu'on fait à cette époque-là, on a aussi pu le rapprocher de ce qu'on a appelé une postmodernité. Ce qu'on fait là, c'est beaucoup du collage, c'est-à-dire que on utilise moins, disons, l'envers du son, la vie interne du son, les résonances, comme on le fera plus tard avec l'exemple qu'on a entendu avant de Haas. Là, ce qu'on fait plutôt, c'est qu'on colle les choses telles qu'elles sont, les colle les unes avec les autres, un peu comme si vous preniez les pages d'un livre ou les pages d'un journal et que vous découpiez les lettres et que vous reformiez des mots à partir des lettres. La musique classique et au-delà, c'est Métaclassique, avec David Christoffel. 1989, Luciano Berio fait une partition qu'il appelle « Round the Ring ». À partir de Schubert, en quoi est-ce qu'il rend Schubert, puisque c'est le mot qu'il choisit? Qu'est-ce qu'il fait de plus? Dans le cas de Berio, on se trouve aussi encore dans une écriture, on va dire, qui relève de l'ancienne vision de la postmodernité, si on peut dire, musicale. C'est-à-dire on se retrouve plus proche de ce que fait Zimmermann dans Le Roi Ubu que de ce que fait Haas avec Mozart. C'est-à-dire que l'idée de Berio, c'est bien sûr qu'il y ait toujours une dialectique du neuf et de l'ancien. Néanmoins, Berio rentre dans le texte de Schubert. Il se permet de rentrer dans le texte. Pas toujours facile de repérer qu'est-ce qui est de Berio, qu'est-ce qui est de Schubert. Justement, parce qu'il rentre dans le texte de Schubert, mais en respectant les règles. C'est ça. C'est tout à fait ça. Donc c'est presque un pastiche non ironique. Presque un pastiche, volonté simplement avec beaucoup, je crois, de respect pour l'œuvre, d'en assurer la complétion. Et là, on se heurterait de nouveau à certaines limites ontologiques. On pourrait de nouveau toucher ce qu'on a dit un peu à propos de Chiarino, c'est-à-dire se poser la question de savoir où commence, on va dire, le travail de restauration de l'œuvre, hein, presque comme quand on restaure un tableau, et où commence le travail de création. Donc effectivement, dans le cas de Berio, en tout cas, il rentre dans le langage, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à se l'approprier comme quelque chose qui serait d'aujourd'hui, ou qu'en tout cas qui serait vu depuis la perspective d'aujourd'hui. Il fait un travail qui a même à voir avec la musicologie dans un certain sens, hein, c'est-à-dire il fait un travail qui a quelque chose à voir avec une vision historique de l'objet. Camille Linhart, si on dit que cette partition est de Berio, alors on pourrait taxer Berio de néoclassicisme? Si on dit que cette partition est de Berio, on pourrait déjà lui faire crédit d'une démarche, on va dire, de restauration au sens presque muséographique ou musicologique du terme. Mais si on en fait l'auteur, effectivement, dans le sens qu'on comprend aujourd'hui d'auteur, c'est-à-dire de très marqué par l'idée du génie créateur du 19e siècle, c'est-à-dire un génie individuel, eh bien, évidemment, il pourrait être taxé de néoclassique, c'est une possibilité. Taxé si on considère que c'est pas bien. Si on considère que c'est pas bien, effectivement, parce que, encore une fois, tout dépend ce qu'on met derrière le mot néoclassique, c'est-à-dire soit on met simplement une esthétique qui existait dans les années 20, on va dire représentée peut-être idéalement par Francis Poulenc et quelques autres, ou par Stravinsky de sa deuxième période, mais qui était quand même une esthétique dans laquelle on avait certains idéaux de, comme je le dis avant, de clarté, de rigueur, etc., qui ne correspondent pas forcément à tout ce qu'on peut trouver, disons, dans les démarches dont il a été question ici, et même pas forcément dans celle de Berio, parce que la démarche néoclassique n'est pas forcément une démarche de pastiche totale non plus. Hein. Il y a quand même l'idée de collage aussi qu'on retrouve déjà dans le néoclassicisme. Quand Brice Posé écrit une contre-sonate à la sonate opus 42 de Schubert, comment il faut entendre le mot « contre » ? Alors il faut l'entendre comme un contre-pied ou un contre-poids ou quelque chose, ou mieux encore, disons, quelque chose qu'on poserait contre un mur. Et si je prends l'image du mur, d'ailleurs, ça n'est pas... C'est qu'on l'aide à tenir, ce faisant. On pourrait le voir comme ça, effectivement, qu'on l'aide à tenir. En tout cas, c'est quelque chose qu'on met autour, ou en tout cas, on ne rentre pas dans l'objet lui-même. C'est peut-être ça, en tout cas, dans le contrasonate qui est important de comprendre. On pourrait aussi le voir comme un cadre, simplement, comme un cadre qu'on mettrait autour d'un tableau. En tout cas, quelque chose qui n'est pas, crois que le mot de contre sert véritablement, en tout cas à illustrer qu'il ne rentre pas, il ne rentre pas dans l'œuvre. Il se place autour ou contre, comme on veut le dire, mais il ne fait pas ce qu'a fait Berlioz avant, c'est-à-dire qu'il ne manipule pas dans le style des unités à l'intérieur de l'œuvre elle-même, et même, contrairement à ce qu'on a entendu auparavant chez tous les auteurs jusqu'ici, il ne s'autorise tout simplement pas à rentrer dans l'œuvre. En revanche, il lui dessine un pourtour. Ce n'est pas dans le style de Schubert, c'est vraiment bien du brise-posé qu'on entendait là, Camille Lénard. Oui, tout à fait, et on notera tout de même que ça joue avec des éléments notationnels, des fragments qu'on pourra entendre après chez Schubert. Néanmoins, quelles sont les articulations ici du langage de Poset ? Eh bien, effectivement, des éléments motiviques qui, pour une bonne part, sont empruntés au modèle. Et puis, des jeux de timbres. Il lui importe beaucoup d'utiliser le pianoforte. Le travail de Poset, de façon générale, est empreint d'historicité et souvent à propos des instruments eux-mêmes. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est d'utiliser des instruments qui, d'une part, sont des instruments anciens, mais qui ont une caractéristique qui l'intéresse particulièrement. Ce sont des instruments qui sont advenus historiquement avant la standardisation de la production industrielle, disons. Ça veut dire qu'il y a une attention à la facture qui va être aussi déterminante que l'attention au style du compositeur inspirant ? Oui, tout à fait, parce que la démarche de Poset, évidemment, elle n'est pas réductible aux démarches des compositeurs qui lui sont contemporains, plus ou moins, qu'on a entendus jusqu'à présent, comme Haas ou comme Chiarino. Ce sont chaque fois des approches différentes, mais elle a quand même quelque chose, ou Zender, mais elle a quand même quelque chose en commun, parce que ces compositeurs de la fin du XXe, début XXIe siècle sont des compositeurs qui jouent avec le son et pas seulement avec les notes. Contrairement à leurs aînés sériels et post-sériels qui souvent jouaient avec des combinaisons dodécaphoniques, des combinaisons de notes, et qui a donné aussi l'idée de faire des collages, comme on en a entendu chez Zimmermann, par exemple, eh bien, la révolution, disons, qui advient et qui se répand dans la musique de la fin du XXe siècle et toujours aujourd'hui, c'est l'usage de la dimension sonore. On entend bien ici que Poset, il utilise ça et qu'il n'a pas choisi une sonate pour pianoforte pour rien, parce que le pianoforte lui offre des qualités sonores remarquables et qu'il les utilise dans son écriture. Quand Zimmermann faisait du collage, il intentait quand même à la notion d'œuvre. Il y avait une déconstruction, un début de déconstruction de ce qu'on appelle l'ontologie de l'œuvre d'art, alors que Poset reste dans l'œuvre. On va prendre maintenant un autre exemple, Gérard Pesson, qui prend une ballade de Brahms et la retravaille. Il la retravaille pour faire une nouvelle œuvre. Tout à fait. Dans le cas de Pesson, il n'a pas fait une contre-ballade. il a composé, il a décomposé la ballade. Et alors, ce qui est intéressant dans le cas de Pesson, c'est que lui, il illustre encore de façon plus idéale, si on peut dire, la tendance que j'ai décrite avant, c'est-à-dire qu'il se place dans une articulation très sonore. Qu'est-ce qu'il garde du modèle de la ballade de Brahms? Alors, il fait comme on a déjà vu dans certains cas ici, c'est-à-dire qu'il change l'instrumentarium, cette ballade étant initialement pour piano, piano seul, la transcrit pour un ensemble instrumental dans lequel il y a une clarinette. Le choix de la clarinette, évidemment, n'est pas anodin. Donc on voit qu'il y a toujours un lien. Là, on retrouve ce qu'il y avait chez Zender, c'est-à-dire il y a une dimension qui est acoustique, une dimension sonore, mais il y a aussi une dimension qui est sémantique, théâtrale, en tout cas qui est de l'ordre de la référence. C'est-à-dire que la clarinette, disons, pour Pesson, quand il pense à Brahms, c'est presque symbolique. Brahms, c'est pas n'importe quel compositeur pour la clarinette. Il y a ses sonates, il y a le quintet avec clarinette, évidemment. Donc ça sonne Brahms. Il sait que ça va sonner Brahms d'utiliser une clarinette. Mais là encore, à un autre endroit que dans le langage des notes. Mais exactement, encore dans un autre endroit, c'est-à-dire qu'il garde le timbre, hein, ce qu'on peut, cette notion un peu fourre-tout quand on la décrit comme telle, mais là il lui donne une incarnation, c'est-à-dire la couleur sonore de la clarinette. Il sort une espèce de squelette, il sort des éléments, et là, il les réarticule. Et là, on va faire l'inverse, c'est-à-dire on va passer par un extrait de la partition Nebenstuck de Gérard Pesson avant d'écouter un extrait de la ballade qui lui a servi peut-être moins de modèle que de boîte à outils. Thank you. Extrait de la balade opus 10 numéro 4 par Michel Angeli de Brahms à la suite d'un extrait de Nebenstuck Gérard Pesson. On disait, Camille Linhart, que peut-être il y a quand même un changement de paradigme, même si on reste dans ce qu'on appelle l'ontologie de l'œuvre d'art. Il y a cette question du postmodernisme qui est une notion qui est née hors du champ de la musique, qui a été formalisée par Lyotard dans les années 60, qui avait cette idée qui allait de pair avec une crise des récits de légitimation transcendant. Ça veut dire que pour être postmoderne, une œuvre n'a plus sa légitimité d'œuvre acquise d'office ou selon les circuits conceptuels traditionnels. Alors on peut évidemment transposer ou étendre à l'œuvre, à l'ontologie de l'œuvre, la crise des récits de légitimation transcendant dont parle Lyotard à propos de la postmodernité. Je précise que Lyotard, en tout cas, était celui qui a répandu et développé cette notion en France qu'on avait déjà trouvée aux États-Unis un petit peu avant, et notamment en architecture. Disons, le postmodernisme, de toute façon, c'est la raison moderne, la raison critique moderne qui, historiquement, se tourne vers elle-même et se dépasse elle-même, se met en question elle-même et ne se supprime pas, parce que ce serait une absurdité, mais, disons, aboutit à la déconstruction d'un certain nombre de paradigmes issus du rationalisme. Et donc, évidemment, aussi de cette autonomie, disons, cette autonomisation qui avait était une des grandes tendances de la modernité, cette autonomisation de l'art, de l'artiste, de l'œuvre, tous ces éléments effectivement ontologiques qui étaient parvenus à un certain moment historique à être très cloisonnés, et bien sous l'effet d'un nombre évidemment très important de tendances et de paramètres qui confluent dans l'idée de postmodernité, ces choses-là se transforment. Et vous avez raison de le dire, la postmodernité n'est pas née dans la musique, et c'est d'ailleurs pour ça que la musique peine encore beaucoup à traiter cette question. La musicologie a encore une certaine réticence à parler de postmodernité, parce que la postmodernité, pour la musicologie, c'est souvent assimilé simplement à une sorte de paresse, de conservatisme, de facilité. Alors que sur le plan philosophique, quand Lyotard parle de la postmodernité, c'est beaucoup plus vaste. Et si on appliquait à la musique, à l'objet musical, toutes les catégories, disons, qu'on trouve par exemple chez Lyotard ou qu'on trouve encore chez beaucoup d'autres auteurs, il y aurait manière de rendre raison, si j'ose dire, de beaucoup de pratiques et de beaucoup de choses qui se passent actuellement dans le milieu de la création musicale. Mais quand on entendait tout à l'heure Zender avec Beethoven, il a aussi repris le voyage d'hiver de Schubert en le chahutant de différents gestes compositionnels plus ou moins traditionnels. On n'est pas obligé d'entendre une prise de position d'un compositeur par rapport à l'histoire de la musique. On peut aussi entendre un compositeur qui, reprenant une œuvre existante, jouit et joue de renouveler des moyens d'écriture et d'amplifier le catalogue des possibles de la musique. On peut tout à fait entendre ça, mais on va dire que un compositeur qui assumerait cette posture unique, on va dire cette posture du jeu, cette posture ludique, descendrait du piédestal, ou descendrait en tout cas de la position dans laquelle l'a placé la modernité et la modernité du génie romantique. Voilà, la modernité artistique, c'est-à-dire cette idée, on va dire, de l'avant-garde. Hein, c'est-à-dire que Vous voulez dire que c'est peut-être pas par hasard si ce sont justement les romantiques, Beethoven, Schubert, voire Brahms, qui sont repris par ces compositeurs qu'on écoute depuis le début de l'émission ? Ah, c'est effectivement assez probable qu'il y ait un lien, dans la mesure où il y a une dialectique. Il y a l'idée d'une dialectique et qu'il y a l'idée d'un dialogue de l'histoire entre des époques qui sont différentes. Et c'est vrai qu'on est au sommet, chez Beethoven, on est au sommet, on peut dire, de la modernité artistique, en tout cas au sommet de l'impulsion moderniste, parce qu'il va encore y en avoir beaucoup après, mais dans le sens où on est arrivé à un degré d'individualisme, d'individualité, du créateur, et surtout le créateur est sérieux, c'est-à-dire que Beethoven ne joue pas, il peut jouer un sens métaphorique si on veut, mais il est dans la façon dont on le perçoit, en tout cas dans la modernité le perçoit, il est une figure héroïque. Oui, mais ce avec quoi joue Zender jouant avec Schubert, ça n'est pas avec l'autorité de Schubert. Vous citez dans l'article que vous consacrez à ces jeux compositionnels dans la revue Musicologie Nouvelle, vous citez Zender qui dit « Ma lecture du Voyage d'hiver ne cherche pas une nouvelle interprétation expressive, mais elle fait un emploi systématique des libertés que chaque interprète s'octroie normalement de façon intuitive. » Donc en fait, il ne fait que se servir dans tous les gestes de composition qu'il y a déjà en germe dans ce que fait un interprète quand il chante ou joue Schubert. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une... C'est ce que je veux dire par le fait qu'il y a une dialectique. C'est-à-dire qu'il se permet de faire des choses que ne faisait pas Beethoven ou que ne faisait pas Schubert. Et c'est l'intérêt de la dialectique. C'est-à-dire que ce sont des termes opposés, mais qui ont quand même un rapport dynamique entre eux, hein, qui produisent... L'un produit un peu le contraire de l'autre. Ils sont complémentaires, d'une certaine façon. Et effectivement, Zender... Il utilise les interstices qu'a laissé Schubert, c'est-à-dire que et il s'engouffre dedans, il les étend, etc. Mais en tout cas, c'est le chemin qui le guide, c'est de prendre les paramètres musicaux qui chez Schubert sont secondaires, voire négligeables. L'interprétation, c'est moins important que le modèle, évidemment, à l'époque de Schubert. Et bien lui, c'est une interprétation guidée qu'il va faire. Donc c'est l'interprétation, il inverse, si on veut, de façon dialectique, il inverse les paradigmes, puisque c'est l'idée de l'interprétation qui conduit la composition chez lui, alors que chez Schubert, évidemment, la composition peut mener à l'interprétation, mais pas l'inverse. Donc c'est deux périodes historiques, on va dire, différentes, deux idées ontologiques presque différentes qui, disons, dialoguent les unes avec les autres. Pour terminer, Camille Linhart, on va passer par un compositeur qui, lui, ne prend pas un modèle à l'époque romantique, mais plus ancien. C'est Gervasoni qui, pourrait-on dire, se sert chez Frescobaldi. Oui, alors, dans le deuxième quatuor de Stefano Gervasoni, on retrouve le Recercare Cromatico Post Il Credo, extrait des Fiori Musicali des Frescobaldi. Alors Frescobaldi est un compositeur qui est toujours très très important dans la pensée et dans la tradition musicale italienne, donc Gervasoni n'y déroge pas. Et alors ce qui est intéressant quand il prend ce monument, on va dire, du patrimoine musical italien, eh bien il fait de façon, disons, un peu idéal, tout ce dont j'ai parlé ou dont on a pu parler jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il ne touche absolument à rien sur le plan de ce qu'on pourrait appeler la grammaire, c'est-à-dire que vous avez une combinatoire de notes qui est celle de l'époque de Frescobaldi, c'est-à-dire vous avez Recercare, c'est-à-dire c'est une œuvre, c'est l'ancêtre de la fugue, si on peut dire, c'est une œuvre qui suit des règles contrapuntiques extrêmement formalisées, une musique très abstraite, hein, très à la note, le timbre compte très peu. Et puis, ce que fait Gervasoni, c'est que lui, il ne touche pas à ça, il laisse les intervalles tels qu'ils sont, etc. Mais, en revanche, il joue complètement sur le timbre, c'est-à-dire qu'il appose à cette structure abstraite de notes, il appose une structure de timbre, une structure sonore complètement articulée, qui va se superposer. Et je noterai deux choses, disons, qui montrent bien cette approche de l'objet musical, de l'objet trouvé que prend Gervasoni. La première, c'est que de temps en temps, au cours de l'œuvre, il transperce littéralement le matériau en projetant, en soulevant la matière sonore dans le suraigu par des harmoniques fortissimo, subito, qui adviennent sans qu'on sache trop pourquoi et comment, c'est-à-dire qu'il ne s'occupe pas du développement de la fugue, il les fait intervenir un peu comme des gouttes de pluie qui tomberaient aléatoirement sur un objet. Et puis il y a des brisures qui font qu'il va transposer, ça c'est quand même la seule chose qui s'autorise, il va transposer le texte par deux fois, c'est-à-dire une première fois au demi-ton, une deuxième fois à la tierce, mais il le transpose de façon, si on suivait les principes de la grammaire tonale de façon extrêmement grossière, extrêmement vulgaire. C'est-à-dire que, comme on se moque parfois dans les chansons de variété, quand on passe au demi-ton supérieur, ça ne va pas plus loin. Mais en changeant un peu le tempo, c'est-à-dire que ça accélère à chaque fois qu'on transpose vers le haut. Et en fait, on se rend compte, quand on réfléchit à ça, qu'il a opéré sur cet objet, il a opéré une transformation comme on le fait en musique électronique. C'est-à-dire que si vous accélérez... À la fois le pitch et il stretch. Exactement. Plus il pitch. Ce qui veut dire qu'il ne s'intéresse pas du tout à la logique interne de la construction de l'œuvre. Il revisite l'œuvre de sa perspective du 21e siècle. On va écouter ça. Merci beaucoup, Camille Linhart. Mais merci à vous. Et vous pouvez retrouver l'ensemble des émissions Métaclassique sur le site métaclassique.com.